tes yeux où s'attarde cet amour qui nous garde le bleu de l'été. Le temps s'éparpille, le temps se gaspille de fil en aiguille. Les jours font les nuits, mais des nuits éternelles, quand c'est toi qui m'appelles jusqu'à la citadelle.